Yeah. Bande de rapaces. L'archi, l'architecte. Sans mesure. Yeah. Chaman, une victime encore un qui se prenait pour un sale kicker. J'ai fait plus de morts que tout autre bombe au sale killer. En parlant de victime, voici la dernière que j'ai fait pendre avec ses cordes vocales. Tu dis que Billy calme, mais ça fait un bail que j'ai coupé les cordes en pédical. Billy Scar, qu'elle me mord sur la prod et puis vous égorge tout de suite. Pierre, cette meuf qui accouche, puisque jusqu'au dernier effort se pousse. J'gratte, on n'a plus finir, je pire que ce type qui a des démons. J'ai son genre sur la tête avant même que mon père n'ait tout le temps de sans le caisson. J'aime chanter ton couplet, mais j'préfère de loin le mien. J'fais aucune faute et c'est bien de la scène si t'es gamin que rien. Et j'prends soin de ce lien que ma team avant entretenu, tu veux nous acheter, mais t'as même pas de quoi te payer notre tenue. Tu veux m'enfermer, mais t'es retenu par tes propres chaînes. Faut toi une raison, tu vois les plus loin que l'horizon, mais même tes proches te dèche. 4-5 dés sont déjà tombés depuis début de la semaine. Tu pourrais t'alors avec ta langue, avec de la coupe et que la foutre sous ta semelle. Billy passe plus de temps, t'es gras, qu'à Rome à la gare. Incroyable la cam, j'suis plus de speaker, ce qui est droit. Crois à la cam, j'crois que t'as la ra. Masse, tout ce que tu dis, j'ai pas le ra. Masse, nettoie la craque, tu viens de faire état sans ma code multi. Le roi à la crape, le roi à la dame, ça c'est ce qui me combattre dans l'arène. Billy leur frappe. Pas de cadeau important, c'est bien lui qui tient les rênes. Freine devant moi, je te mettrai que pas ça. J'ai déjà tout fait, pas de sommaire, ton coffre que mes mains viennent l'étouffer. Je crois que j'en ai trop fait, hein. J'ai déjà emporté tous les trophées. Les saisons se répètent trop vite, depuis que Billy est assis sur le trône de fer. J'ai déjà des grattes, trop de 16 à l'espace, on a ma calculable de rime. Quand je rate une drôle de tête, comme si Joe fasse un calcul à deux chiffres. Mon état paradoxe, la preuve, j'ai rencontré, c'est un autre paradis. Mes textes venaient rire en tour, même si on paradise. Sors-toi les doigts, tu cuisses, tu veux kicker figurine de noce. C'est pas la peine de faire des lovés, ces terrines ne valent pas plus qu'une figurine de noce. J'reste, de le rap comme ce gros porc avec sa tête de Coca-Cola. Grosse frappe, il était comme ça, c'est un gros cocard là. 80, c'est pas la pause pilon, non. Juste la pause et rapé, j'peux pas m'arrêter là. 15 puis j'gratte et déjà, c'est des prods de taille. ABBA, j'en massacre la prod, de coucou d'art, viens de m'envoyer. Cette pépite embrasse mes rimes récipées, je vous fais voyager. Voilà que t'es, bébé deviennent trop noir, c'est trop plein. Voilà que t'es, en osmose dans le cosmos, dans la voilà que t'es. Billy Jack 40 mus, mais la Billy tient encore tête. Peut-être que je devrais la lui couper en follement le vortex. J'suis encore sec de la veille, ouais, soit j'en ai trop bu. Et aujourd'hui j'me trompe plus, en tout Jäger bombé l'obus. Ma tête fait exploser comme ton but. Ce colonel avait lâché, arraché. J'arrive plus à gratter, la preuve, voici la dixième passe que j'ai arraché, hein. Si peu de temps, signe de gros, la charismatique. Tes signes de sang, t'es afin de détruire ton CMC, soi-disant charismatique. J'ai foulé de gants avant l'opération chirurgicale. C'est condescendant, j'me fais un sang d'encre pour ma plume, mais pas pour tous ces condescendants. Tous ces condescendants de temps, moins de deux temps. Trois mouvements, chez Wam, El Novice, c'est qu'un jeune Padawan face à mes Obi-Wan, Kenobi, j'aime les gars, Kenobi. Mais tu te fabriques que de pas copie, c'est pas le copie. L'autre qui décide de la route, bien sans ma coulite. J'allume si grave, j'allume grave devant un pire qui crame. Façon, destin ne peut rien faire comme celui du Burkina. Façon, j'ai l'anarchie dans ma tête, pépé les rentrer dedans. Pépite de prod, ouais, ça le mérite que je croque. À l'intérêt avec mes 30 dedans. Je reste ivre de nom, j'ai tweet avant de piloter mon poulet. T'entends ça, mec, j'ai tendance à mettre moi jusqu'à vomir. Des gars comme toi s'en faut-il, peut-être même plus. Billy est triste depuis que ce petit être ne l'aime plus. Y'avait que des sparks, mais qui sait. J'étais des mecs qui criaient, j'ai tendance à frayer. Normal, et que des stars qui s'éteignent. Mais depuis des barres, j'suis pété au spliff. Mec, t'es horrible, tu vois grand. Même la météorie, mais avec cette beat météorite que tu vas prendre. Hétéroclique, avant même d'avoir pris le temps, tu peux la sourire. Plus aucun souvenir, tu ne vas plus les souvenirs. Et aujourd'hui, seul à ma tête sourit. Viens checker la dose des sentiments que j'ai mis sur la prod. Desperados, t'espères la gros putain. Mes sentiments, tes rimes sous ma ricelle de mes hermanos. Salvador, ouais, ta carte est la référence. Tu ne la passes que je reviens à la précédente, j'suis précis. Si d'entrer là, c'est à la fois que mes rapaces me disent que ma prise t'as excellente. Ce mec est là, non. Si je suis derrière toi, c'est que j'ai déjà fait le tour de la planète. En terre, c'était lourd, mais avec celui-là, je suis bon pour un voyage interstellaire. Au-delà de la mec, je reste. À ma place, je fais des tas de lovés. Monopoly casse des barres, black à part. Je m'accapare, tu mic pas comme black à part. J'ai de Monopoly squat, t'es là. Là, je m'éclate comme ce grand fou que j'ai vu sauter. C'est plus grand immeuble. Mec, c'est crade, les bêtes de crâne. Dès que c'est type qui vend qui meuse. En putain, t'y buzz. Dans ce cas, spiné pas la même qu'en étant clean. Dès que je rentre du tas, je prends la synthèse, je me connecte en speed ensuite. Je prends le microphone et je rapperai jusqu'à mon casse à la voix. Flash, crash, mes rimes à la race, je tire MC. C'est aléatoire, aléatoire, drap. En attendant, je développe une nouvelle machine à écrire. Je me balade de proche en branche jusqu'à attendre la cime. Mais je n'oublierai jamais mes racines à vrai dire. Tu as une fois cette mais ça tu savais peut-être déjà. Rien que la tête des dégâts, tu sais déjà que je suis mal et a pas besoin d'étaler les dégâts. Il y a bien plus de caractère que tu veux tu runes qui sait. Je passerai peut-être entre les mailles tu filais. Même si je laisse rien me glisser. Gros c'est bizarre, je kick à la cause c'est ce qu'il a. Même si tu gueules t'as la plume qu'il a, hein, t'es qu'il a. Pour dire je t'ai cessé de rapper après 10 shots et des tequila, hein. Le jour où tu rapperas mieux que moi alors tu pourras parler. Enchanté MC viens là que je te foudroie. Allez, une de perdue, 10 heures trouvées, voici ma façon d'écrire. L'arbre de sang, son flaque de sang, ouais, j'ai fait des milliers de crimes. Billy, c'est ce sombre monstre qui peuvent devenir dangereux. Après avoir tué le chétan au paradis, je n'ai retrouvé que des anges heureux. Pour en revenir à ce type qui sautait son petit coca, je crois qu'il a trop picolé, mais sans rigoler. Je lui dis que je suis pas fan de son petit osma. Ils veulent comparer Billy à Sega, mais cela ne le console point. Je consomme moins, drogue depuis que je gratte ses voiles et ses consonnes, point.